الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit à son bien-aimé Mohammed, prière et salut sur lui, بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Nous t'avons certes accordé Al-Kawthar. Et Al-Kawthar, c'est un fleuve du paradis. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie celui qui te hait sera certes sans prospérité. فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الهدية وهذه الآية تبسم عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأحمد. Lorsque le prophète, prière et salut sur lui, a entendu ce verset coranique, a entendu ce cadeau, il a souri. Rapporté par Muslim et Ahmed. هدية من الله إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Un cadeau de la part de Dieu à son bien-aimé Mohammed, prière et salut sur lui, Nahru al-Kawthar, le fleuve du Kawthar. Hafatahu min dahab, ses bords sont faits de l'or. Turbatuhu atyabu min al-misk, et son sol est plus parfumé que le musc. Ma'uhu ahla min al-asal, son eau est plus douce que le miel. وأبيض من الثلج est plus blanc ou plus blanche que la neige. رواه الإمام الترمذي rapporté par l'imam الترمذي. وآنيته وكؤوسه عدد النجوم في السماء, et ses verres ou ses tasses sont au nombre des étoiles dans le ciel. بمعنى ملايير الملايير, ça veut dire les vers qui sont autour d'Al-Kawthar sont au nombre de milliards de milliards. Tous les musulmans peuvent les utiliser pour boire. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fataridu ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah ila nahri al-Kawthar. Et la nation de Mohammed, prière et salut sur lui, va arriver, va venir le jour de la résurrection vers le fleuve du Kawthar. فَيُبْعَدُ الْعَبْدُ أَوِ الْبَعْضُ عَنْهُ. Et quelques individus seront éloignés, repoussés de pour aller vers Al-Kawthar. فَيَقُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et le prophète, prière et salut sur lui, va dire, رَبْ au Seigneur, إنه من أمتي, c'est quelqu'un qui appartient à ma nation. فيقول, et on lui dit, إنك لا تدري ما أحدث بعدك, وفي رواية, إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Et on va lui dire, tu ne sais pas ce qu'il a fait après toi, et dans une version, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد, rapporté par l'imam مسلم, النسائي, أبو داود وأحمد. يا رب, ô Seigneur, يا من له الأمر في عز وتمكيني وكل أمر جرى بالكاف والنون, يا من لطفت بحالي قبل تكويني. Ô celui qui était doux à mon égard avant de me créer, la taj'alin nara yawm al-hashr takwini, ne laisse pas le feu le jour de la résurrection me brûler. Ya Rab, ya man lahu al-amr fi 'izz wa tamkin wa kullu amrin jara bayna al-kaf wa an-nun. Ya man latafta bi hali qabla takwini, la taj'al an-nar yawm al-hashr takwini. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il a dit, prière et salut sur lui, الحج يوم عرفة, le pèlerinage a lieu le jour d'Arafa. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي, rapporté par l'imam الترمذي, أبو داود et النسائي. بمعنى من ضيع عرفة فقد ضيع الحج. Ceci signifie, celui qui rate l'arrêt d'Arafa aura raté le pèlerinage. ووصف لنا أيام العيد, et il nous a décrit les jours de la fête. فقال صلى الله عليه وسلم, et il a dit, prière et salut sur lui, أيام منا, يعني أيام التشريق, وهي الأيام الثلاثة التي بعد العيد. Les jours de Minan, ça veut dire les jours de Tashriq, les trois jours qui suivent la fête, Ayyamu Aklin wa Shurb, sont des jours de repas et de boissons. Rawahu l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim. Ya Aba Zahra, Ahdi ilayka salati wa salami. Ô père de Zahra, de Fatima Zahra, je te dédie mes salutations et mes prières. مع حجاج بيت الله الحرام, avec les pèlerins de la maison sacrée. يا زائرين قبر سيد الأنام, aux visiteurs du maître de la création. بلغوه مني حبي له وغرامي, transmettez-lui de ma part mon grand amour. فالجسم هنا والروح هناك, le corps est ici mais l'esprit est là-bas. تطوف بين القبر والمقام, en train de tourner entre la tombe et le mihrab, ou bien le lieu de prière. يا أبا الزهراء, أهدي إليك صلاتي وسلامي مع حجاج بيت الله الحرام. يا زائرين قبر سيد الأنام, بلغوه مني حبي له وغرامي. فالجسم هنا والروح هناك, تطوف بين القبر والمقام. سيدي أمير الأنبياء, ماتر أمير des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nom des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé محمد المصطفى, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا اليوم في يوم العيد, on est aujourd'hui dans le jour de la fête, عيد الأضحى المبارك, la fête du sacrifice ou la fête bénie du sacrifice. وبهذه المناسبة أحب أن أقف ثلاث وقفات. À cette occasion, j'aime marquer trois arrêts. الوقفة الأولى, le premier arrêt, مع يوم عرفة, avec le jour d'عرفة, le jour d'hier. فنهار أمس وقف بأرض عرفات مئات الآلاف من الحجاج. Pendant la journée d'hier, des centaines de milliers de pèlerins ont marqué leur arrêt sur le sol d'Arafat. Akthar min milyounayn wa nisf, plus que 2,5 millions. Taht al-shams, sous le soleil. Bijanib jabal ar-rahma, à côté du mont de la clémence. Li'iddat sa'at, et ceci pendant plusieurs heures. Bayna ad-dhuhri wal maghrib, entre la prière de Dohr et la prière de l'Maghrib. Bilibasin Tabiyat, avec des vêtements blancs. Libasil Ihram, les vêtements de sacralisation. A'yunuhum mutawajjihatun ila sama, leurs yeux fixés vers le ciel. أيديهم مرفوعة إلى السماء, leurs bras, leurs mains levées vers le ciel, دموعهم تجري على خدودهم, leurs larmes coulées sur leurs joues, ألسنتهم تتكلم مع الله, leurs langues parlées directement avec Dieu, بخشوع وخضوع, avec recueillement et humilité. كل واحد يسأل الله المغفرة. Chacun d'eux demandait à Dieu son absolution. وَيَطْلُبُهُ مَا يُرِيدُ Il lui demandait tout ce qu'il voulait. وَرُبَّمَا قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَا رَبْ هَا أَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ Ô Seigneur, je suis entre tes mains. يَا رَبْ هَا أَنَا أَطْرُقُ بَابَكُ Ô Seigneur, me voici en train de toquer ta porte. يَا رَبْ تركت وطني او سيغنور جي ابوندوني ما باتري ومالي واولادي جي ابوندوني مي بيان ميز انفون واتيت اليك يا سيدي اي مي فواسي فينو فير توا سيغنور يا سيدي اغفر ذنوبي او ماتر ابسو مي بيشي يا سيدي قني عذاب النار او ماتر بريزيرف موا دي فو دو لانفير سبحان الله غلواري بورتي اديو أكثر من مليونين ونصف plus que 2,5 millions في ساحة واحدة dans une même grande cour في وقت واحد dans un même temps وكل واحد يتكلم مع الله et chacun d'eux parlait avec Dieu بلغة مختلفة avec une langue différente هذا يتكلم بالعربية celui-ci parlait en arabe وهذا يتكلم بالبربرية et l'autre à côté de lui parlait à Dieu avec la langue berbère وهذا يتكلم بالتركية et l'autre en train de pleurer à côté de lui parlait avec la langue turque وهذا بالفارسية et l'autre avec la langue persane وهذا بالفرنسية et l'autre Il parle à Dieu en français. وَهَذَا بِالْإِنْجْلِيزِيَ Et le troisième ou le dixième, il parle à Dieu en anglais. إِلَى آخِرِ etc. كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ مَعَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ Tout le monde parlait avec lui dans un même temps. وَاللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكْ يَرَاهُمْ جَمِيعًا وَيَسْمَعُ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ Et Dieu, le Très-Haut, les observait, les regardait tous en même temps, il les écoutait tous en même temps. وَكَلَامُ الْوَاحِدِ لَا يُنْسِهِ كَلَامَ الْآخَرِ Et la parole de l'un ne lui fait pas oublier la parole de l'autre. وَكَلَامُ هَاُولَاءِ جَمِيعًا مَلْيُونَانِ وَنِصْفِ لَا يُنْسِهِ كَلَامَ بَاقِ الْمَخْلُوقَاتِ 6 ملايين Et la parole de tous ces gens, 2,5 millions, ne lui fait pas oublier la parole du reste de la création. 6 milliards. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa fi akhiri yawmi ams. Et à la fin de la journée d'hier, qala Allahu ta'ala wa tabaraka lil malaika. Dieu a dit à ses anges, « Ushhidukum, ya malaikati, anni qad ghafartu lahum, ghafartu lil hujjaj, anni qad ghafartu lahum, ô mes anges, je fais de vous tous des témoins, comme quoi je leur ai accordé mon absolution, j'ai pardonné leurs péchés. » Faqalatil malaika, et les anges ont dit, « Ya Rab, ô Seigneur, inna fihim fulanan murahakan, fulanan yaqum bidunub wal ma'asi, Ô Seigneur, il y a parmi eux un pécheur qui commet les péchés et la désobéissance. فقال الله عز وجل. Et Dieu le Tout-Puissant et le Très-Haut leur a dit, قد غفرت لهم. Je les ai pardonnés. رواه البيهقي وابن خزيمة. Rapporté par l'imam al-Bayhaqi et l'imam ibn Khuzaymah. فاغتاظ الشيطان. Et Satan s'est mis en grande colère. أتعب نفسه الشقي أتعب نفسه طول السنة وطول العمر كي يجر المسلم للحرام Satan s'est beaucoup fatigué afin de d'attirer d'entraîner les musulmans vers le péché vers l'interdit فلما حج المسلم وتكلم مع ربه غفر الله ذنبه. Et lorsque le musulman a accompli le pèlerinage, il a parlé avec son Seigneur lui a pardonné son péché. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر. On n'a jamais vu Satan dans un jour qui est devenu tout petit. ولا أبحر ou tout éloigné, ولا أحقر ou tout humilié, ولا أغيض منه في يوم عرفة, ou bien ou tout à fait en colère plus que le jour d'عرفة. وما ذاك يقول النبي وما ذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة. Et tout ceci à cause de ce qu'il voit comme clémence qui descend du ciel. وتجاوز الله عن الذنوب العظام. Et lorsqu'il voit que Dieu a pardonné les péchés les plus énormes. رواه الإمام مالك والبيهقي, rapporté par l'imam Malik et le Bayhaqi. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète prière et sage sur lui a accompli son pèlerinage, دعا لأمته عشية عرفة, يعني نهار أمس عشية عرفة, il a fait, il a invoqué Dieu, il a fait des prières en faveur de sa nation le jour ou le soir d'عرفة, ça veut dire d'hier. فأجيب أني قد غفرت لهم يا حبيبي ما خل المظالم. Et Dieu lui a dit comme réponse, j'ai accordé mon absolution à ta nation à part les injustices. فإني آخذ للمظلوم منه, parce que certainement je prendrai le droit de la victime à partir de l'agresseur ou bien de l'injuste. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, أي رب, ô mon Seigneur, إن شئت أعطيت المظلوم الجنة, si tu veux, tu peux donner à la victime d'injustice le paradis. وغفرت للظالم يا سيدي, et tu peux, ô Seigneur, pardonner à l'injuste. فلم يوجد عشية عرفة, et on ne lui a pas donné une réponse, Dieu ne lui a pas donné une réponse à cette demande le soir d'عرفة. فلما أصبح بالمزدلفة, يعني يوم العيد, le matin lorsqu'il était dans la station de Muzdalifa, c'est-à-dire le jour de la fête comme aujourd'hui, أعاد السؤال صلى الله عليه وسلم إنه الرحيم إنه الرحمة المهدات, يعيد الكلام مع الله. Le plein de clémence, prière et sage lui, a répété la demande à Dieu subhanahu wa ta'ala. فأجيب إلى ما سأل. Et Dieu a donné suite favorable à sa demande. Ça veut dire qu'il va pardonner même aux injustes. سيغفر حتى للظالمين. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Parce que Dieu absout tous les péchés dans leur totalité. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم. Et le prophète prière et sage lui a ri ou bien a souri. فسأله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن سبب ضحكه. Et Abu Bakr et Omar lui ont posé, l'ont interrogé à propos de la cause de son rire. قال صلى الله عليه وسلم, il a dit prière et sage sur lui, إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي. Il a dit, l'ennemi de Dieu, Iblis, le grand Satan, lorsqu'il a appris que Dieu a exaucé ma demande, وغفر لأمتي, et lorsqu'il a vu que Dieu a pardonné les péchés de ma nation, أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه. Il a saisi la terre et il a commencé à mettre de la terre sur sa tête. ويدعو بالويل والثبور. Et il a commencé à crier malheur et perte à lui. فأضحكني ما رأيت من جزعه. Et sa grande colère m'a fait rire. رواه ابن ماجه والإمام البيهقي, rapporté par l'imam ابن ماجه et l'imam البيهقي. هذا فيما يخص الحجاج, ceci, c'est-à-dire en ce qui concerne les pèlerins. أما غير الحجاج فإن الله قد غفر لكل المسلمين الذين صاموا نهار أمس ذنوب سنتين. En ce qui concerne les non-pèlerins qui sont comme nous, qui sont loin de la Mecque, Dieu dans la journée d'hier a donné ou a accordé son pardon pour tous les musulmans de la planète qui ont observé le jeûne hier, ذنوب سنتين, les péchés de deux années, سنة ماضية يعني هذه وأخرى قادمة, l'année passée ou qui va se terminer, ça veut dire celle-ci, et l'année à venir, ça veut dire l'année prochaine, rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Wa amurru ila al-waqfa al-thaniya. Et je passe maintenant vers le deuxième, ou je marque le deuxième arrêt. Allah ta'ala wa tabarak ya'muru 'abdahu Ibrahim alayhi salam an yadhbaha bi yadihi ibnahu al-wahid Ismaïl alayhi salam. Dieu le Très-Haut a donné son ordre suprême à son serviteur Abraham, prière et salut sur lui, d'égorger, d'immoler avec sa propre main son unique et seul fils Ismaïl, que Dieu ou que les prières soient sur lui. Ibrahim adjawaza 90 sana. Abraham, un vieillard qui a dépassé les 90 ans. وابنه قد جاوز بقليل العاشرة من عمره. Et son fils Ismaïl a dépassé de quelques années l'âge ou les 10 ans. أخي أختي frère sœur, تخيل نفسك أمرك الله بذبح أمك. Imagine avec moi frère ou sœur que Dieu t'a donné l'ordre d'immoler ou bien d'égorger ta propre mère. أو ذبح أخيك, ou bien d'égorger ton frère, ou d'abhi ibnik, ou bien d'égorger ton fils ou ta fille. Mada sata'amal? Que vas-tu faire? Hunaka man la yastati'u dabha dujaja. Il y a des gens qui sont incapables d'égorger une poule. Hunaka man la yastati'u dabha kharouf. Il y a des gens incapables d'égorger un bélier. Hunaka man la yastati'u hatta qatla al-ankabut. Il y a des gens qui sont incapables d'écraser ou de tuer même une araignée. Que dire de tuer ou d'égorger sa mère ou son fils ou sa fille? Ibrahim, alayhi salam, à part Allah, min ghayri jidal. Abraham, prière et salut sur lui, a obéi à son Seigneur Allah. Wa arada dabha ibnihi al-aziz al-wahid li mardatillah. Il a voulu égorger son unique fils afin de satisfaire Dieu. Et le couteau, à la dernière minute, par ordre divin, n'a pas voulu égorger. Et Dieu a remplacé Ismaël, prière et salut sur lui, par un bélier. وخلد الله ذكرى إبراهيم عليه السلام بعيد الأضحى. Et Dieu le Très-Haut a éternisé la mémoire d'Abraham et son fils par la fête du sacrifice. فالهدف من عيد الأضحى, le but de la fête du sacrifice, هو أن تتذكر طاعة إبراهيم عليه السلام اللامتناهية لله عز وجل. Le but de cette fête du sacrifice, c'est que tu te rappelles de l'obéissance d'Ibrahim ou d'Abraham, prière et sacrifice infinie à Dieu le Très-Haut. الهدف هو أن تفعل مثل إبراهيم عليه السلام وتطيع كل أوامر الله. Le but, c'est que tu fasse comme Abraham, prière et sage lui, et tu obéis à tous les ordres de Dieu. Ibrahim, alayhi salam, amarahu rabbuhu bi qatl ibnihi fa'ata'a. Abraham, prière et sage lui, son Seigneur lui a demandé d'immoler son propre fils, et il a obéi. Wa anta lam ya'muruka rabbuka bi qatl ibnika aw ummik. Et toi, frère ou sœur, ton Seigneur ne t'a pas ordonné, comme Abraham, de tuer ta mère ou ton fils. أمرك بأن لا تتكبر. Il t'a ordonné de ne pas être orgueilleux. أن لا تحسد. Il t'a ordonné de ne pas être jaloux. أن لا تغش. De ne pas tricher. أن لا تحقد. De ne pas avoir la haine. Pour les musulmans, أن لا تكذب. De ne pas mentir. أن لا تسرق. De ne pas voler. أن لا تزني. De ne pas commettre l'adultère, an la tadur al-akharin, et de ne pas nuire aux autres, ila akhiri, etc. Amaraka an tusalli fil waqt. Il t'a ordonné de faire la prière à l'heure. An tuzakki malak. De sortir la zakat de ta fortune. An tahuj. D'accomplir le pèlerinage. An tuti'a walidayk. Il t'a ordonné d'obéir à tes parents, ila akhiri, etc. Ragma. Pourquoi désobéis-tu à Dieu? Malgré que Dieu t'a donné des ordres petits en comparaison au fait de tuer ton fils. الهدف من عيد الأضحى هو أن تضحي بجميع ذنوبك وشهواتك. Le but de cette fête du sacrifice, c'est que tu sacrifies aujourd'hui ou pour toujours tous tes péchés et désirs. من أجل مرضات الله, afin de satisfaire Dieu. ليس الهدف هو أن تذبح خروفا. Le but dans sa finalité n'est pas d'immoler un bélier, وتأكل اللحوم, et de manger les viandes, وتشبع البطون, et de remplir les ventres. الهدف هو تقوى الله. Le but recherché, c'est la piété de Dieu. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Dieu, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. فأنت لما تذبح أضحيتك في يوم العيد, frère ou sœur, lorsque tu immoles ton sacrifice le jour de la fête, فكأنك تذبح معاصيك وذنوبك, comme si tu égorgeais tes désobéissances et tes péchés. أخي أختي, frère, sœur, هل ستضحي بجميع شهواتك؟ Vas-tu sacrifier tous tes péchés؟ هل ستكون إبراهيميا إسماعيليا؟ Vas-tu être ibrahimique, ismaélique؟ يأمرك ربك فتطيع؟ Ton Seigneur te donne ses ordres et tu obéis؟ أم ستكون شيطانا رجيما؟ يأمرك ربك فترفض كما أمر الشيطان بأن يسجد لآدم فرفض وكان من الكافرين. Ou bien vas-tu être un satanique comme Satan qui a reçu les ordres d'obéir à Dieu et il a refusé. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, اليوم يوم العيد, aujourd'hui est le jour de la fête. يوم الفرحة في طاعة الله, le jour de la joie, mais dans le domaine de l'obéissance à Dieu. وليس يوم الفرحة في معصية الله, et non pas un jour de joie, mais dans le domaine de la désobéissance de Dieu. ويوم الأضحية, et il est aussi le jour du sacrifice. والأضحية سنة مؤكدة, et le sacrifice est une sunna bien recommandée. أما إدخال الفرحة في قلوب الأولاد والزوجة, mais le fait de faire entrer la joie dans les cœurs des enfants et de la femme, وجعل الأولاد وخصوصا في هذه البلاد الغير إسلامية يحبون أعياد الإسلام ويحبون الإسلام. Et le fait de rendre les enfants, et surtout dans ce pays qui est non musulman, rendre ses enfants aimer les fêtes de l'islam et aimer l'islam, فهذه فريضة. Ce fait est une obligation. Al-Udhiya sunna mu'akkada. Le sacrifice est une sunna recommandée. Taqbalu al-niyaba. Le sacrifice peut être fait par délégation, par dérogation. Tursil ila baladin akhar ou tuwakkil al-jazar ila ou tunib anka al-jazar ila akhiri. Tu peux envoyer à un autre pays ton sacrifice, ou bien tu peux déléguer ou donner une procuration au boucher pour faire ça à ta place. أما إدخال الفرح في قلوب الأولاد ففريضة لا تقبل النيابة. Mais le fait d'entrer la joie dans les cœurs des enfants est une obligation qui n'accepte pas ou qui ne peut pas être faite par délégation. ومع الأسف, et malheureusement, ففي فرنسا كثير من المسلمين, en France beaucoup de musulmans, تشبتوا بالسنة, beaucoup de musulmans se sont attachés à la sunna, وتركوا الفريضة. Et on négligeait l'obligation ifrah al-atfal, rendre les enfants joyeux dans le jour de la fête. Fatoul aujul nahar al-eid, la totalité du jour de la fête ou la majorité du jour de la fête, al-abu ghaib an al-usra, yabhath an al-kharouf lil-ityan bil-kharouf. La totalité ou la majorité du jour de la fête, le père est absent, loin de la famille pour chercher le bélier. والأطفال لا يرون أباهم يوم العيد. Et les enfants ne voient pas leur père le jour de la fête. لا يفرحون بالعيد, ne ressentent pas la joie de la fête. لأنهم يأكلون اللحم طول السنة. إلى درجة أن فيهم من لا يعطي قيمة للحم. Les enfants ici en France mangent la viande toute l'année jusqu'au point que quelques-uns parmi eux ne donnent plus d'importance à la viande. ومع الأسف أن الآباء لا يعطون قيمة لطلبات الأطفال. Et malheureusement, les enfants ne donnent pas une grande importance aux demandes, aux souhaits, aux vœux des enfants. وهكذا تتحول الفرحة في قلوب الأطفال إلى أسى وحرمان في يوم العيد. Et ainsi, la joie qui devait être dans les cœurs des petits musulmans en France le jour de la fête se transforme en tristesse, en privation, et ceci le jour de la fête. Il y a parmi les enfants qui maintenant détestent la fête. Il y a parmi les enfants jusqu'au point qu'il y a des enfants maintenant qui préfèrent aller à l'école le jour de la fête et rencontrer leurs amis au lieu de rester emprisonnés avec la famille le jour de la fête. Et la cause, c'est les parents. فَالطِفْلُ يَرَى وَيَسْمَعْ مَا يَحْكِ الْأَطْفَالِ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ أَعْيَادِهِمْ وَخُصُوصًا عِيد نُؤَلْ. Parce que l'enfant normalement, même à bas âge, voit, entend ce que les autres, et surtout les non-musulmans, ce qu'ils racontent à propos de leur propre fête, et surtout la fête de Noël, فَيُقَارِنْ مَا أَعْيَادِنَا. Et il fait la comparaison tout de suite avec nos fêtes, وَخُصُوصًا عِيدُ الْأَضْحَى, et surtout avec la fête du sacrifice, الْعِيدُ الْكَبِيرُ, comme on l'appelle dans le Maghreb, l'Aïd el-Kibir, c'est-à-dire la grande fête. غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ تَجْتَمِعُ الْعَائِلَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى الْمَسَاءِ فِي الْعِيدِ بِفَرَحٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَضَحِكٍ وَهَدَايَا إِلَى آخِرِهِ. Les non-musulmans, le jour de leur fête, se réunissent, sont ensemble, la famille est ensemble du matin au soir, du manger, de la joie, des cadeaux, etc. وَنَحْنُ يَوْمَ الْعِيدِ الْعَائِلَ مُشَتَّتَةٌ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَعُودُ إِلَّا فِي الْمَسَاءِ. Et nous, pendant la fête, le père ou la famille est dispersé, le père ne revient que le soir. وَفِي الْغَدِ يَعُودُ الطِّفْلِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ مُتَدَمِّرًا. Et le lendemain, l'enfant revient à l'école, mais déçu, bien déçu. يَسْأَلُهُ أَصْحَابُهُ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ. Ses amis non-musulmans l'interrogent. كَيْفَ كَانَ الْعِيدُ. Comment était la fête? Et l'enfant ne sait pas quoi répondre. هل يقول الحقيقة؟ Va-t-il dire la vérité? وفي هذه الحالة يسخر منه الأطفال. Et dans ce cas, les enfants vont se moquer de lui. أم يقول عكس الحقيقة؟ Ou plutôt, il va dire le contraire de la vérité. وفي هذه الحالة سيكذب. Et dans ce cas, il va mentir. وشيئا فشيئا. Et petit à petit, يكره الطفل أعياد الإسلام. L'enfant musulman déteste les fêtes des musulmans ou de l'islam. وبالتالي يكره الإسلام. Et par la suite, il va détester même l'islam. ومع الأسف الآباء هم السبب. Et malheureusement, ce sont les pères qui sont à l'origine de tout ça. فالحذر الحذر قبل الوقوع في الخطر. Donc méfiance, méfiance avant d'être en plein danger. وفي الأخير أقول. Et à la fin je dis إنه يوم العيد. Il s'agit du jour de la fête. أفرح الأطفال. Rendez aujourd'hui joyeux les enfants. أفرح النساء. Rendez joyeuses les femmes. افعلوا اليوم ما يحبه الأطفال ما دام في دائرة الحلال. Faites aujourd'hui tout ce que demandent les enfants tant que ce qu'ils demandent est dans le domaine du licite. افعلوا ذلك بنية تحبيب الإسلام وأعياده لأطفالنا. Faites ceci dans le but de faire aimer l'islam et ses fêtes à nos enfants. ولكم الأجر العظيم عند الله. Et vous aurez l'immense salaire auprès de Dieu. زوروا العائلة. Rendez visite à la famille. إذا كانت العائلة بعيدة كلموها ولو بالهاتف. Dans le cas où celle-ci habite loin, parlez avec votre famille, au moins par le téléphone. صالحوا إخوانكم. Réconciliez-vous avec vos frères. أكثروا من فعل الخيرات. Faites beaucoup de bonnes actions. وعيدكم مبارك سعيد. Et que votre fête soit joyeuse et bénie de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. اللهم إني داع فأمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا سيدي يا مولاي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إننا اليوم في يوم العيد ويوم العيد يوم الفرح. يا رب أفرحنا يوم نلقاك. يا رب اجعل أكبر أعيادنا هو يوم نلقاك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يوم القيامة اجعلنا من أهل الفرح، اجعلنا من أهل السرور برحمتك يا أرحم الراحمين. من الذين يقبضون كتابهم بيمينهم وليس من الذين يقبضون كتابهم بشمالهم. يا رب إننا في يوم العيد ويوم العيد توزع فيه الجوائز. اللهم اجعل جائزتنا عندك في هذا العيد مغفرتك يا رب. اللهم اجعل جائزتنا عندك في يوم هذا العيد عتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. يا رب الأعياد تمر علينا على المسلمين بالأرض والدماء تسيل في بلدان المسلمين. يا رب إنك ترى وتعلم ما لا نرى وما لا نعلم. يا رب إخواننا في فلسطين اليوم يوم العيد محاصرين، أطفال رضع وشيوخ خشع وأيتام وأرامل محرومون حتى من الغداء في يوم العيد. يا رب إخواننا في العراق وفي السودان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كشمير وفي دول أخرى يعرفون الحرب الأهلية، بعضهم يقتل بعضا، المسلمون يقتلون المسلمين. يا رب نسألك في يوم العيد يا رب رد السلام، رد الأمن، رد الحرية لكل بلاد المسلمين، لكل المسلمين والمسلمات. يا رب يا الله رد البسمة إلى الصبي، إلى اليتيم، إلى الأرملة، إلى الشيخ في كل بلدان المسلمين. يا أرحم الراحمين أرنا رحمتك. يا أرحم الراحمين أرنا رحمتك. أنزل شآبيب رحمتك على كل بلاد الإسلام والمسلمين. يا رب صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما.